soir, Boulogne, Billancourt, comme les autres, tu sors de l'usine. Si tu veux t'asseoir, il faut que tu cours, dans le métro, ça sent la sardine. 2 heures après, tu regardes ta télé, en bouffant une boîte de couscous. Tu tires bonbonne avant de t'écrouler, tu dimanche week-end pour ta goulée douce. Dimanche matin, t'écoutes la radio et tu tombes sur un genre de lascar qui dit des trucs quand juste les idiots, mais qui est plus populaire que Giscard. Lundi matin, tu retournes au boulot, dans ton sac t'emmènes ta galtouze. Putain de bordel, encore des faillots avec deux saucisses de Toulouse. Un soir comme ça, en rentrant chez toi, tu rencontres dans les escaliers un espèce de vieux gourou des bois qui ressemble à Bernard Millet. Le type te dit, qu'est-ce que tu fous là? Tu vois pas que tu mènes une vie de con? Tu lui réponds, personne là, baba, j'ai l'estomac dans les talons. Six heures du mat, Boulogne-Billancourt, t'es planté au bord de la Seine. En regardant se pointer le jour, tu repères deux mecs qui s'amènent. Ils ont la peau verte, les yeux jaunes, et t'embarquent dans un drôle d'engin qui laisse derrière lui une odeur d'ozone. Toi tu t'en fous, t'as plus peur.